Alors on donne. Alors on donne. Alors on donne. Qui dit tu dis travail, qui dit taf, tu dis les thunes, qui dit argent, dit dépense, ce qui dit crédit, dit créance, qui dit dette, tu dis huissier, oui, dit assis dans la merde, qui dit amour, dit les gosses, dit tu jouais, dit divorce, qui dit porche, t'es dit délicat, les problèmes, ce n'est bien pas seul, qui dit prise, t'es dit monde, dit famille, dit fichier monde, qui dit fête, qui dit rebelle, encore sous de la verre, alors on sort pour oublier, tu des problèmes. Alors on danse. Alors on danse. Alors on danse. Alors on danse. Alors on danse. Alors on danse. Alors on danse. Alors on danse. Alors on danse. Et là tu dis que c'est fini, car Piazza, ce sera la mort. Quand tu crois enfin, tu t'en sors. Quand y'en a plus, eh ben y'en a encore. Exercice du problème, des problèmes de la musique. Prends le trip, prends la tête, et puis tu pries, mais ça s'arrête. Mais c'est encore, c'est pas le ciel, alors tu bouges plus les oreilles. Et là tu cries encore plus fort, et ça persiste. Alors on chante. La la la la la la. La la la la la la. Alors on chante. La la la la la la. La la la la la la. Alors on chante. Alors on chante. Épuisé mon coin c'est fini. Alors on danse. Alors on danse. Alors on danse. Alors on danse. Alors on danse. Alors on danse. Alors on danse. Alors on danse. Éveillons encore. Eh bien, il y a encore.